N'écoute plus les podcasts en solo. Avec le label Podzob, les podcasts s'écoutent à deux. Galaxy Pop a changé d'adresse. Ce n'est plus Constellation, mais Nouveauté. 30 jours de podcasts pour mettre des paupiètes dans votre vie. Galaxy Pop Nouveauté, c'est mon produit de beauté. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Ciné Dimanche. Aujourd'hui au menu, il y aura pas mal de tatane. Alors oui, c'est les restes de ce qu'avait décrit toute l'année et qui n'a pas été lu, mais on a une grosse majorité de films de tatane, ou au moins de bourrin. Donc, il y a une thématique cette fois. En entrée, je vais vous proposer Bloodfist 8. Honnêtement, ça pique, avec Don the Dragon Wilson. À la base, ça aurait dû être Black Belt, mais bon, ce n'était pas le bon film, apparemment, qui a été mis sur la galette. Merci Prism. En plat principal, je vais vous proposer Message from the King, de Fabrice Duvels, avec Chadwick Boseman. Un excellent film. Au dessert, Le Corbeau viendra vous parler de Takeover, le dernier film de Scott Adkins. Et enfin, après le dessert, pour faire passer tout ça, pour rester sur une bonne sensation de fin de repas, je vais vous proposer Detox avec Sly, entre autres. Allez, bon, c'est parti, on va commencer le repas avec Bloodfist 8, la cible du dragon. Et il commence bien ce film. J'ai à peine mis la galette de Black Belt dans le lecteur et hop, générique de téléfilm sur fond de saxo, puis carrément gros plan sur le saxophoniste. Aurais-je lancé un mauvais film érotique ? Puis apparaît l'inimitable, l'incroyable Don the Dragon Wilson dans un rôle de prof de physique de lycée. Tiens, c'est marrant, j'ai pas vu son nom au générique. Ni le nom du film. Ouais. Et puis il démarrait très soudainement ce générique. C'est à se demander si ces gros sagouins de chez Prism n'auraient pas carrément coupé le début pour nous cacher le titre. Après une recherche rapide, ce n'est pas Black Belt dans ce DVD, de Black Belt donc, édité par Prism, mais Bloodfist 8. Merci les éditions Prism, vous êtes vraiment des enfoirés. Non pas que Black Belt soit probablement meilleur ou pire que Bloodfist 8, mais j'aime bien avoir le bon boîtier du film que je regarde. Heureusement, le nanar est de haute volée, soutenu par une VF irrésistible. Et bien sûr, notre dragon est aux petits oignons. Son jeu d'acteur est au top, au moins deux expressions, soit une de plus que Steven Seagal. Heureusement, il sait à peu près lever la jambe, mais pas de bol, le réal cut beaucoup. Niveau scénar, on sort les guirlandes clignotantes. Ancien de la CIA, super espion, j'ai jamais retrouvé meilleur que toi, etc. etc. C'est même pas un peu enrobé, c'est servi tel quel. Bon, il y a bien un petit côté James Bond avec l'implication des Italiens et un voyage en Irlande, c'est sympathique. On a des images sympas de promotion pour l'Irlande, mais je ne suis pas sûr que l'équipe n'ait vu autre chose de l'Irlande qu'un pack de Guinness. Bref, c'est mou, gris et terne, il n'y a que Jazz pour aimer ça. Et peut-être Le Corbeau, car les méchants ici sont des socialistes. Remarque, personne ne les aime ceux-là. Bon, après une entrée aussi fade, il va nous falloir un plat principal de qualité. Et ça tombe bien, parce que c'est le cas de ce Message from the King. Normalement, j'avais tiré King Kong 2 au dé pour ce soir. Mais comme j'avais envie d'un bon film et une dent contre le dessin suite au décès soudain de mon papa, j'ai décidé d'envoyer le destin se faire ramener la turbine à chocolat et de choisir moi-même un bon film. Et je pense que j'ai bien fait, parce qu'à la passe d'un infime pourri avec un gorille miteux, je me suis offert un film canon avec un personnage bien vénère. Chadwick Boseman est incroyable dans ce rôle. Je l'ai déjà trouvé excellent dans Manhattan Lockdown, mais là, il est carrément impérial. En face de lui, Luke Evans fait froid dans le dos. Certes, il n'est pas aussi dingue et effrayant que dans No One Lives Forever, et pour cause, mais il dégage lui aussi une aura de prédateur froid et calculateur comme on en voit rarement. Les affrontements sont violents, crades et extrêmement brutaux. Ici, pas de finesse ou de coups élégants, non non, le moindre coup est fait pour casser, assommer ou détruire. Et tout devient une arme. Surtout une chaîne de vélo. Depuis Calvaire, je pense que Fabrice Duvels est un cinéaste à suivre. Talentueux, érudit, sympathique et sans aucune concession lorsqu'il s'agit de filmer. Poussant très souvent ses protagonistes dans leurs ultimes retranchements, mais tout ça avec une chouette image, un sens du cadre dynamique et un rythme parfaitement adapté à son récit. Je ne vais pas dire que ce Message from the King est son pinacle, mais voir un auteur talentueux se livrer à une série B haut de gamme, sans filtre, et avec un cast à la hauteur, ben faudrait franchement pas se priver. Je suis bien content d'avoir fait l'échange, ça fait du bien au moral un film de ce calibre. Voilà, là on a un plat qui tient, qui est bien. Là il est très bien celui-là, je ne peux que vous conseiller. On va passer maintenant au dessert avec Le Corbeau qui va nous parler de Takeover, donc le dernier Scott Adkins. Allez, un petit Scott Adkins, parce que je sais que vous l'aimez bande de fripons. Scott est ici un sniper qui, après s'être découvert une conscience, se voit pris au piège dans un penthouse avec son spotter et deux putes. Les baies vitrées ne lui laissent aucune échappatoire. Scott va-t-il s'en sortir ? Alors là, on est sur du très bas de gamme. On sent le faible budget. Trois lieux différents en tout et pour tout pour le tournage. Scott lève un petit peu la jambe, met 2-3 bourre-pifs, mais sans plus. Et je ne vous parle pas des dialogues à rallonge inutiles, l'introspection et la psychologie de bazar, et les innombrables invraisemblances. Oui, se planquer derrière un canapé ou une table de massage ne vous protégera en rien. Parfois, les snipers sont hyper précis, avisés, et d'autres fois, les persos restent debout sans que personne ne tire. Mention pour les deux prostituées qui méritent de mourir pour leur connerie monumentale. La rédemption finale m'a donné envie de buter des bébés phoques, et je ne vous parle même pas des dialogues qui ont fini par m'achever. 90 minutes de rien, c'est beaucoup trop long. Et je vais vous spoiler comme un gros sale, mais non. Utiliser des draps en satin comme parachute pour sauter par la fenêtre ne vous fera pas planer. Vous allez juste vous écraser comme une merde et être couvert par du satin. Sans doute que Scott a signé ce film parce qu'il a des fins de mois difficiles, mais la seule chose qu'il nous démontre, ce sont les limites de son jeu d'acteur. Bon ben voilà, Scott Adkins, il a beau faire l'unanimité quand même assez souvent, ça ne l'empêche pas d'être pantoufleur et dernièrement d'être dans quelques productions qui sentent un petit peu le pâté, voire la fainéantise. J'espère que son prochain, à savoir Diablo avec Marco Zara, sera beaucoup mieux. J'ai de gros espoirs sur celui-là, et je pense que les copains d'Aikik doivent penser à peu près comme moi. Bon et maintenant, un petit pouce café avant de partir ? Allez, je vous propose donc Detox, un petit Sly du creux de la vague. Un Sly qui voulait jouer des rôles sombres, dans des films sombres, pour un public qui est pas là. Alors, il s'engage dans ce sous-seven matinée d'Ils étaient 10, et que je préfère ce titre à l'infect ancien. Bref, à la Réal, on trouve le tâcheron Jim Gillespie, à qui l'on doit l'inepte Souviens-toi l'été dernier. Et vous savez quoi, il est toujours aussi nul. Réunir un tel casting, avec un script a priori intéressant et rythmé, et en faire un truc aussi fade, ça relève presque de l'exploit. Avant de parler du cast, laissez-moi vous faire le pitch brièvement. Sly est un officier du FBI au bout du rouleau. Le serial killer qu'il traquait a tué sa femme avant de disparaître. Il noie donc son chagrin dans le whisky bas de gamme à tel point que son pote l'inscrit à une cure de désintox expérimentale dans un vieux bunker perdu dans les montagnes. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Hélas, isolé par une tempête de neige, les patients se font exécuter à tour de bras. Et si le tueur était l'un d'eux ? Bon, et qui retrouve-t-on à jouer les maboules ? À part Sly, bien sûr. Jeffrey Wright, Robert Patrick, l'éternel T-1000. Dina Meyer, poste Starship Trooper. Stephen Lang, le vieil aveugle de Don't Breathe. Sean Patrick Flannery, une des endives des anges de Boston. Robert Prosky, le patron de Robin Williams dans Madame Doubtfire. Oui, ça, je sais, ça surprend un peu. Mais on trouve aussi du beau monde chez les soignants. Chris Christopherson et Tom Berenger, soit le Whistler de Blade et le Substitute original. L'exploit de Jim Gillespie est incroyable, il arrive à ne rien faire d'un casting pareil. Ça cabotine, mais aucun personnage n'existe, ni n'a d'épaisseur. Le twist est éventé en quelques minutes, le décor pue la défaite, et même la tempête de neige fait cheap. Pas assez fun pour être un bon nanar, mais clairement pas assez tout le reste pour être un bon film. Allez, encore une bobine qui remplit le purgatoire de Sly dans les années 2000. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce dernier ciné-dimanche pré-enregistré, dirons-nous, de la saison. La semaine prochaine, on aura donc un ciné-dimanche quasi en live, hein, j'en parlerai peut-être un peu plus dans la gazette. Si j'arrive à faire fonctionner Radio King, on aura donc un ciné-dimanche en live, probablement vendredi soir vers 21h. Sinon, bah, vous trouverez un ciné-dimanche dans les conditions du live, sur le flux RSS de ciné-dimanche, enfin des deux banques, le dimanche soir à 20h30 comme d'habitude. Et ce sera le dernier avant septembre, parce qu'on va prendre un petit peu de vacances, parce que se taper autant de merde en une année... Ça fatigue. Je sais, hein, je pourrais choisir des bons films, mais j'aime souffrir pour vous. Me remerciez pas. Allez, sur ce, je vous dis bonne semaine et à dimanche prochain. Salut à tous! Chez Galaxy Pop, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager. Être écouté, mais pas consommé. Alors, fais-nous des retours. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre. Dis, Dani, viens, on va bien s'entendre. Ça fait pas un peu pub pour des aides auditives ? Enfin, moi, je dis ça, je dis rien.